Chapitre 38e, la dame russe. Le docteur écouta Baccara avec le plus grand calme, souvent ébranlé par son récit, car la jeune femme parlait aussi raisonnablement que possible. Il lui dit enfin « Vous êtes bien persuadé, n'est-ce pas, d'être vous-même la femme qu'on nomme Baccara ?»« Allez rue Moncey ou à mon hôtel, demandez à voir ma mère et amenez-la ici, » répondit-elle. « Madame, » dit le docteur, dans l'esprit duquel pénétrait le doute, « je vous répondrai ce soir. Si réellement vous êtes la victime d'une odieuse machination, vous trouverez en moi un protecteur et non un médecin. » Elle se jeta au pied du docteur et prit l'attitude d'une suppliante. « Ah, monsieur, si vous faites cela, si vous m'aidez à confondre mes ennemis, je vous bénirai comme on bénit Dieu, je vous aimerai comme on aime son père. » Le docteur quitta Baccara tout pensif de ce qu'il venait d'entendre. Mais il avait vu tant de fois les fous lui tenir ce langage et essayer de lui prouver par une logique rigoureuse leur sanité d'esprit qu'il ne pouvait que douter. Et pour croire aux paroles de la jeune femme, il lui fallait une preuve. Il monta en voiture et se présenta rue Moncey. Baccara lui avait dit « Vous trouverez ma mère et vous lui direz où je suis. » Le docteur sonna la grille, le jardinier vint ouvrir. « Madame y est-elle » demanda-t-il. « Oui, monsieur, » dit le jardinier. Le docteur recula d'un pas. Ses doutes sur la folie de Baccara s'évanouirent, et il se souvint des détails que Sir Williams lui avait donnés, prétendant que la jeune femme inscrite sous le nom d'Anaïs Hortier persisterait à se croire la Baccara elle-même. Le jardinier conduisit le docteur au rez-de-chaussée, le fit entrer dans le salon, le pria d'attendre, et lui minute après une jeune femme vêtue d'une robe de chambre à ramages, les cheveux nattés dans tout le désordre d'une pécheresse qui se lève à 3 heures de l'après-midi, apparut sur le seuil et salua le médecin. « Mademoiselle, » dit celui-ci, « connaissez-vous Anaïs Hortier ?»« Ah, pauvre fille !» murmura la fausse Baccara. « Elle est devenue folle, monsieur, et elle se prend pour moi-même. » Et la jeune femme s'exprima avec un sang-froid parfait et raconta au docteur la même version que Sir Williams. Le baronnet, on le devine, avait prévu cette visite du docteur. Il avait bien pensé que Baccara ne se résignerait point, qu'elle essaierait de persuader et de prouver qu'elle n'était pas folle, et qu'alors, si le directeur de la maison de santé, ébranlé dans ses convictions, faisait une démarche, il irait tout droit rue Moncey. Sir Williams avait sous la main une femme galante, fort belle encore, bien que peu mûre. Cette femme avait consenti à jouer le rôle pour 25 louis, et elle le jouait si bien que le docteur se retira persuadé de la folie de Baccara. Cependant, celle-ci attendait avec une mortelle inquiétude une seconde visite du docteur. Il s'était décidé, pour tuer le temps, à entrer dans le jardin réservé où 3 ou 4 folles se promenaient au soleil. Il était alors midi. C'était une belle journée d'hiver. L'air était tiède comme au mois de mai. Le soleil inondait le jardin de ses rayons. Baccara fit en tremblant quelques pas dans une allée sablée qui conduisait à un banc de verdure. Elle éprouvait comme un sentiment de terreur secrète à la pensée qu'elle allait se trouver en contact perpétuel avec des êtres privés de raison, elle qui n'était pas folle. Une femme, en la voyant, vint à elle. C'était une dame d'environ 40 ans, l'œil triste et le visage un peu pâle. Elle était belle encore, et avait sur les lèvres un sourire mélancolique plein de charme. Elle était vêtue de noir avec quelques échappées de blanc, çà et là, comme pour un demi-deuil. Elle était assise sur un banc adossé à un arbre, au moment où Baccara pénétra dans le jardin et lisait attentivement un volume à couverture jaune. Au bruit des pas de la pécheresse criant sur le sable, la femme en noir s'est élevée et vint à elle. D'abord, elle l'examina avec une curiosité défiante et puis, rassurée sans doute par ses investigations, elle la salua et lui sourit. « Bonjour, madame, » lui dit-elle. Baccara s'inclina et rendit le salut. « Je gage que vous arrivez ?» continua la femme au volume jaune. « En effet, madame, » répondit la pécheresse. « Pardonnez-moi ma familiarité, mon enfant, » reprit la dame vêtue de noir, et d'un ton affectueux et un peu protecteur. « Mais vous êtes si jolie et si jeune que vous me plaisez infiniment. Je m'ennuie fort ici, et vous êtes le premier visage qui me revient depuis 10 ans que je suis ici. »« Mon Dieu !» murmura Baccara. « Il y a 10 ans que vous êtes ici. Hélas, oui, mon enfant !» La pécheresse frissonna. « Si j'allais rester ici 10 ans, » pensa-t-elle. « Venez, mon enfant, » dit la folle en la prenant par le bras. « Faisons un tour de jardin. Le temps est beau, le soleil est chaud comme au printemps. Comment vous nommez-vous ? Louise, madame. » « Bien, » dit la folle, « c'est un joli nom. Moi, je me nomme Jeanne. J'ai encore un autre nom, mais je ne le porte plus. Hélas, on me l'a volé. » Barbara regarda la femme vêtue de noir avec étonnement. Celle-ci parut deviner la signification de son regard, et à son tour, elle sembla vouloir pénétrer jusqu'au fond de sa pensée. « Mon enfant, dit-elle, je ne sais pas comment vous êtes ici, mais ce que je sais bien, c'est que vous n'êtes pas folle. » Barbara poussa un cri. « Ah, dit-elle, vous le voyez donc, vous, madame. Il n'est pas besoin d'être médecin pour cela, mon enfant. La folie et la raison mettent chacun leur empreinte sur le visage. J'ai bien vu tout d'abord que vous n'étiez pas folle. » La pécheresse prit dans ses mains la main de la femme vêtue de noir et la baisa avec effusion. « Mais vous, madame, demanda-t-elle en tremblant. Moi, soupira-t-elle. Oh, moi, je suis folle depuis 10 ans. Du moins, c'est l'opinion de mon mari. C'est celle des médecins, celle de Saint-Pétersbourg tout entier. Saint-Pétersbourg, fit Barbara avec surprise. Oui, dit tout bas la femme au livre jaune, je suis russe. Elle entraîna Barbara vers le banc de gazon et l'y fit asseoir auprès d'elle. Qu'avez-vous donc fait, ma pauvre enfant, dit-elle. Quel homme avez-vous trompé? Quel tyran vous poursuit que vous soyez ici? Car pas plus que moi, je le vois bien. La dame vêtue de noir s'interrompit brusquement. Tenez, dit-elle, il est des hommes sans pudeur et dont l'âme vénale se prête à tous les calculs. Vous n'êtes pas folle, pas plus que moi, mais il est des gens qui affirmeront le contraire et prouveront votre démence. Quand on entre ici, mon enfant, on n'en sort plus. La dame russe parlait avec douceur, sans emportement, sans colère, et elle continua avec un amer sourire. Souvent la folie est un prétexte pour punir ou sauver de grands coupables. J'étais criminel un jour et depuis 10 ans, j'expie mon crime en vivant avec des fous. Barbara regardait son interlocutrice avec un étonnement mêlé d'effroi. Quel crime avait donc commis cette femme? Figurez-vous, poursuivit-elle, que j'ai mérité la peine de mort, moi. Mais je l'ai mérité dans des circonstances telles que je ne me considère pas comme coupable et que je me crois une victime. Au moment où sans doute la dame au livre jaune allait raconter son histoire, elles furent abordées par une jeune fille blonde, grande, mince, blanche comme un lys, et dont les yeux cernés brillaient d'un feu étrange. Elle portait une robe blanche, des fleurs d'oranger desséchées dans ses cheveux, et souriait d'un air triste et rêveur qui faisait mal à voir. « Ah » dit-elle en touchant l'épaule de la femme vêtue de noir du bout de son doigt. « Vous êtes en retard, ma chère tante. Tout le cortège est parti, ils sont à l'église, on n'attend plus que vous et moi. Venez, venez !» Et elle salua Barbara et passa son chemin, marchant avec rapidité. « Pauvre femme !» murmura la dame russe en regardant la folle s'éloigner d'un pas rapide et inégal. « Qu'a-t-elle donc ?» demanda Barbara. « Elle est folle depuis le jour où c'était la veille de son mariage. Son fiancé et un rival les conduit se prirent de querelle dans un bal masqué et allèrent sur le terrain. Elle arriva, sépara les combattants, mais il était trop tard, elle avait perdu la raison. » Barbara et la dame russe avaient quitté le banc de gazon et repris leur promenade. Elles aperçurent une femme âgée assise devant une table de jardin et contemplant un objet qui tournait avec une attention profonde. Cet objet était une roulette en miniature, dans le cylindre de laquelle tournait une bille d'ivoire, dont la vieille dame semblait écouter le roulement avec une anxieuse joie. « C'est une vieille joueuse, dit la conductrice de Barbara. Elle a fait sauter la banque de Bade l'année dernière, et la joie saisissante qu'elle en a éprouvée l'a rendue folle sur le champ. Depuis qu'elle est ici, elle cherche un système pour gagner à coup sûr une chose bien facile, en vérité. Et elle est si bien absorbée dans ses calculs que vous tireriez le canon auprès d'elle sans l'émouvoir ou lui faire lever la tête. C'est un Archimède en jupon. Mais, reprit la dame russe, je ne vous ai point dit encore pourquoi j'étais ici, moi, qui, pas plus que vous, ne suis folle. Je vous écoute, madame, dit Barbara, qui trouvait fort sensées les paroles de son interlocutrice et avait surtout été frappée de cette perspicacité qu'elle avait déployée en s'apercevant bien tout de suite qu'elle n'était pas folle. « Je suis la fille du général D qui commandait dans le Caucase, poursuivait la dame russe, et j'ai épousé, il y a 15 ans, le colonel K. » Le colonel était un homme farouche, acariâtre, jaloux de son ombre, qui devint non mon mari mais mon tyran. Il ne voulut point me laisser à Pétersbourg dans la maison de mon père. Il m'emmena en Livonie, où il avait le commandement d'une forteresse, et m'y réduisit à la plus grande solitude, à l'isolement le plus absolu, me plaçant sous l'œil vigilant de 2 Cosaques qui lui étaient tout dévoués. Mais j'avais à Pétersbourg inspiré une passion réelle et sérieuse, un jeune officier des gardes du nom de Stéphane. Stéphane avait eu l'imprudence et la folie de me suivre, d'entrer sous un déguisement dans la maison de mon mari et d'y remplir les plus humbles fonctions. Pendant quelques mois, notre amour et notre bonheur demeurèrent secrets, et la jalousie du colonel K. n'eut aucun aliment sérieux. Mais un soir, tandis que le comte Stéphane, sous son habit de laquais, était à mes genoux, la porte s'ouvrit brusquement, et nous vîmes apparaître le colonel. À cet endroit de son récit, la dame russe interrompit et fondit en larmes. « Pauvre Stéphane, murmura-t-elle. Baccarat était intéressé au plus haut point et elle attendait la suite de l'histoire avec impatience lorsqu'un nouveau personnage vint à elle et les salua. C'était un homme vêtu de noir des pieds à la tête. La boutonnière de son habit était ornée de plusieurs rubans de différentes couleurs et il marchait la tête haute et en arrière comme il convient à un grand seigneur. Seulement, sur sa tête chauve, car il pouvait bien avoir 50 ans, se trouvait placé un chapeau de femme et il portait à son bras un sac à ouvrage. « Bonjour, belle dame. »« Bonjour, » dit-il en les saluant d'un geste protecteur. « Vous êtes belles à croquer toutes deux, et si j'étais homme encore, hé hé. » Le bizarre personnage passa sa main sous le menton de Baccarat et se prit à sourire. « Vous devez être une belle impure du théâtre, ou de la galanterie, vous, » dit-il. « Et quand j'étais homme, vous ne l'êtes non plus ?» demanda naïvement la pécheresse. « Non, ma belle, j'ai été changée en femme. Allons donc. » Baccarat en riant, mais le grave personnage reprit. « Rien n'est plus vrai, petite. Mon frère cadet, le duc de Miropoulo, car je ne suis autre chose que le prince souverain de Miropoulo, voulant me détrôner, me remplacer avec des apparences de légalité, s'est entendu avec un nécromane très habile et j'étais métamorphosé en femme. Les ministres de la principauté de Miropoulo ont constaté, en séance solennelle, ce changement de sexe qu'avait subi mon individu. J'étais déclaré déchu de mon titre et de mes fonctions de prince régnant et nommé duchesse d'Ouerrière. Baccarat ne put s'empêcher de sourire, mais la dame russe lui pressa doucement le bras. « Chut, » dit-elle, « ne riez pas. »« Ma foi, madame, » dit Baccarat, « vous comprendrez que quand on n'a pas l'habitude de voir des fous... »« Le prince n'est pas fou, mon enfant, » dit tout bas la moscovite, « pas plus fou que moi, le fait est vrai, il a été changé en femme. » Cette fois, Baccarat jeta un cri de stupeur et regarda son interlocutrice, que longtemps elle avait cru parfaitement saine d'esprit, et à l'histoire de laquelle elle était tentée de croire. La malheureuse était folle comme les autres, faut la lier. Baccarat s'enfuit, en proie elle-même à ce doute vertigineux, à cette hallucination étrange qui s'empare des esprits raisonnables en contact avec des esprits troublés. Elle ne voulut point savoir la suite de l'histoire du comte Stéphane, de la dame russe et du colonel K., son mari. Il courut s'enfermer chez elle, dans ce petit appartement devenu depuis 2 heures son nouveau domicile, et là, elle se sentit étreinte par cette accablante pensée que si les fous ressemblaient parfois si exactement à des gens raisonnables, comment ceux qui étaient habitués à en voir pourraient-ils discerner en elle la vérité du mensonge ? D'autant mieux que la monomanie la plus vulgaire chez les fous est de se croire parfaitement raisonnable et persécuté par une famille avide ou des héritiers pressés de jouir de leur héritage. Et Baccarat, qui espérait si fort naguère dans le docteur dont elle avait reçu la visite, commença à trembler, qu'il ne jugeait inutile de prendre sur elle le moindre renseignement, et que, convaincu des assertions de Sir Williams, il l'eût classé, sans plus ample informé, dans la catégorie des fous qui ont la manie de vouloir changer de nom et d'individualité. Le docteur revint dans l'après-midi, il était calme, souriant, et regarda Baccarat avec une sorte de compassion. « Pauvre femme, » dit-il, « si belle, si jeune. »« Monsieur, » lui dit vivement la pécheresse, « êtes-vous allé rue Moncey ?»« Oui, mon enfant, » répondit-il. Baccarat étouffa un cri de joie. « Ah, » dit-elle, « je le savais bien que vous étiez un bon, un honnête homme, qu'avant d'enfermer une pauvre fille comme moi, vous vous assureriez si elle est folle ou non. Vous avez vu ma mère, n'est-ce pas ? » poursuivit-elle avec volubilité. « Elle va venir me réclamer, et vous m'accompagnerez, vous, monsieur, n'est-ce pas ? Vous viendrez à la préfecture dénoncer ce misérable Williams. Je connais le préfet de police. Oh, soyez tranquille, l'affaire sera en bonne main, et Fernand ne restera pas longtemps en prison. Ah, l'affreux sœur Williams, et Fanny, cette drôlesse, cette gueuse, qui a vendu sa maîtresse. » Et Baccarat pressait la main du docteur, riait et pleurait de joie, et disait « Je vais donc sortir d'ici, sortir tout de suite, et ne plus voir tous ces affreux fous qui donnent le vertige. » Fanny, qui se tenait dans l'antichambre avec l'infirmière, entra en ce moment. « Un drôlesse !» lui dit Baccarat. « Tu me paieras tout à l'heure ta trahison. » Fanny regarda le docteur. Le docteur était calme et souriait toujours avec tristesse. « Voici le premier accès sérieux, » dit-il à Fanny tout bas. « je crois qu'il faudra lui administrer une douche ce soir. » Et il dit tout haut à Baccarat, « Certainement, madame, vous sortirez, mais pas aujourd'hui, demain, quand vous serez tout à fait bien. Aujourd'hui, vous êtes un peu souffrante. » « Ah !» murmura Baccarat, qui recula tremblante et pâle, « il me croit folle. » « Oh, si peu, mon enfant, si peu, que c'est moins que rien. Donnez-moi 8 jours et vous serez guéri. Mais il faut être sage, ne pas se désoler, prendre patience. » Baccarat demeurait anéanti et songeant à la dame russe, elle commença à se demander si réellement elle n'était pas folle elle-même. « Mais, dit-elle tout à coup avec vivacité, n'êtes donc pas les rumoncés, j'en reviens, mon enfant. Avez-vous vu ma mère, mes domestiques ?»« J'ai vu Madame Baccarat, répondit le docteur. » Cette fois, la pécheresse comprit tout. Sir Williams l'avait remplacée, et désormais, elle ne devait plus compter sur personne pour obtenir sa délivrance. Un moment, chancelante, brisée, l'œil fixé morne, Baccarat s'abandonna tout entière à son désespoir et se demanda s'il ne vaudrait pas mieux pour elle mourir tout de suite que de se voir en cette épouvantable situation. Et puis, cette énergie morale qu'elle possédait reprit bientôt le dessus, et cette sourde pensée qui s'empare du prisonnier à sa première heure de captivité et n'est autre qu'une vagabonde aspiration vers la liberté commença à germer dans sa tête. Elle s'assit, la tête dans ses mains, désormais indifférente au bruit qui se faisait autour d'elle, aux paroles échangées entre Fanny et le docteur. Cependant, elle entendit ce dernier dire à la femme de chambre « J'ai demandé au directeur de la maison l'autorisation de vous laisser passer la nuit auprès de votre maîtresse, mais il me l'a refusé, et je me suis trop avancé ce matin avec votre maître, le baronnet Sir Williams. Un article de notre règlement s'oppose à ce que, passé 10 heures, il ne reste dans la maison d'autres personnes que les malades et le personnel ordinaire. Mais vous pourrez venir tous les matins vers 7 heures, et ne vous en allez qu'à 10 heures du soir. » « Mais, monsieur, dit Fanny, quelqu'un au moins couchera-t-il dans la chambre de ma maîtresse ?»« Oui, une infirmière dressera un lit ici, dans le salon. »« Ma pauvre maîtresse, » soupira Fanny, qui se prit à larmoyer. Baccarat, toujours immobile et paraissant en proie à une rêverie profonde, avait fort bien entendu ce colloque et n'avait saisi tous les détails. Mais aucun mouvement n'avait trahi son attention. Elle n'avait point levé les yeux, elle n'avait pas prononcé un seul mot. Et tout aussitôt une espérance ardente avait germé dans son cerveau déjà surexcité, et cette espérance était basée sur la sortie quotidienne de Fanny. Baccarat rêvait déjà sa liberté, avec cette intelligente ténacité qui prépare les évasions, et sa main caressait le manche de ce petit poignard qu'elle avait furtivement glissé dans sa poche le matin au moment de sortir de chez elle. Le docteur sortit. Fanny demeura seule avec Baccarat. « Petite, lui dit celle-ci, tu joues avec moi un vilain rôle. » « Je le sais, » répondit effrontément la soubrette, « mais c'est dans l'intérêt de madame. Plaît-il » fit Baccarat stupéfait d'un pareil aplomb. « Sans doute, madame aura fait des bêtises avec ce petit Fernand. Ici, elle sera raisonnable. » La pécheresse enveloppa Fanny d'un regard de mépris. « Tu me payeras cela, » murmura-t-elle tout bas, si bas que Fanny devina plutôt qu'elle n'entendit. « Madame a un mauvais caractère, » dit-elle. « Plus tard, elle saura combien je lui étais dévouée. » On vint demander à Baccarat si elle voulait dîner seule, chez elle, ou dîner avec la prétendue dame russe. « Cela m'est égal, » répondit-elle. Et Baccarat suivit une infirmière à la salle à manger, où elle retrouva déjà à table les 3 ou 4 fous qu'elle avait rencontrés dans le jardin. « Ah, ma chère petite, » dit la dame russe en lui indiquant une place à côté d'elle, « vous êtes bien aimable de dîner ici. Je n'ai point fini de vous dire mon histoire. » « C'est vrai, » dit Baccarat, qui tout entière déjà la pensée de son évasion n'écoutait que distraitement. « Je vous disais donc, » reprit la dame russe, « que le colonel K, mon mari, entrant tout à coup dans ma chambre, y avait trouvé le comte Stéphane à mes genoux. Je m'en souviens, madame. » Le comte, qui était un noble cœur, se releva précipitamment et dit au colonel, « Grâce, monseigneur, grâce. Je suis un pauvre laquais, pris d'un transport au cerveau et qui a osé insulter sa maîtresse. Tuez-moi comme un chien, mais grâce pour elle, car elle me repoussait avec indignation et mépris. » Alors ma petite, le colonel, qui avait déjà appuyé un pistolet sur mon front, releva son arme et me dit « Cet homme, dit-il vrai, madame? N'est-il bien qu'à laquais et non votre amant ?»« Oui, » balbutiai-je, atterré. Alors me dit-il « Comme cet homme est un esclave et qu'on a toujours le droit de tuer le chien qui se révolte, puisque cet homme vous a insulté, tuez-le. » Et le colonel mit son pistolet dans ma main, ajoutant « Visez au cœur et tirez !» La dame russe en était là de son dramatique récit, lorsque l'un des pensionnaires de l'établissement, lequel était placé à la gauche de Baccarat, s'écria, en s'adressant à la dame russe, « Chère madame, Quand donc renoncerez-vous à cette histoire que vous prétendez être la vôtre? Vous savez pourtant bien que vous l'avez lu dans un roman de moi, roman publié il y a 5 ans et intitulé « Le Doïska, nouvelle russe ». Bakara regarda le pensionnaire avec surprise. C'était un grand jeune homme mince et blond, un peu pâle, très maigre et qui portait ses cheveux longs. Il se pencha à l'oreille de Bakara et lui dit « Tel que vous me voyez, madame, je suis homme de lettres. J'ai commencé par l'école normale et fini par le théâtre de la Porte-Saint-Martin. Je suis l'auteur d'une foule de mélodrames qui ont eu 100 et 150 représentations. Le dernier, entre autres, un sujet flamand, a fait la fortune de ce théâtre pendant 6 mois. Le sujet, du reste, m'avait été donné par une femme d'infiniment d'esprit et qui l'eût signé avec moi si j'avais eu sa manière. » Bakara n'écoutait plus la dame russe et s'était retourné vers l'auteur dramatique. « Eh bien, madame, acheva-t-il, croiriez-vous que je suis enfermé ici comme fou et passant pour tel? La haine, l'envie me poursuivent. Les romanciers ont été jaloux de mes romans, les poètes de mes vers et les dramaturges de mes drames. Ils m'ont fait enfermer. » Bakara laissa échapper un éclat de rire un peu moqueur qui ne déconcerta pas le poète. Celui-ci, du reste, venait de passer un autre ordre d'idées et entamait une discussion politique avec son voisin de droite, oubliant tout à fait Bakara. Celle-ci quitta la table de bonne heure et rentra chez elle, peu soucieuse de la fin de l'histoire que la dame russe ne parvenait pas à raconter. À 9 heures, elle se mit au lit, aidée en cela par Fanny, dont elle accepta les services sans aucune résistance, après avoir toutefois glissé le petit poignard sous son oreiller pendant que la soubrette tournait la tête. « Madame désire-t-elle que je lui rapporte quelque chose de Paris ?» demanda Fanny en s'en allant. « Oui, répondit Bakara, apporte-moi ma boîte à ouvrage qui est dans mon cabinet de toilette. » « Adieu, ma chère maîtresse, » dit Fanny, d'un ton railleur, « à demain. »« À demain, » répondit Bakara, et elle murmura tout bas. « Demain, nous réglerons nos comptes, ma fille, et nous verrons. » Si Fanny avait surpris en ce moment l'éclair qui jaillit des yeux de Bakara, elle aurait frissonné.